Sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith, Dom Leão. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, un amour de la femme. Nous sommes dimanche et le retour de l'accordéon, donc il est 13h30, passé de quelques minutes. Voici donc, comme la, pardon, le dimanche, l'accordéon. Voilà donc, j'espère que vous avez passé un bon début de week-end et puis j'espère aussi un bon dimanche matin. Donc voici l'après-midi, quelques heures avec l'accordéon. Voilà, donc on va débuter avec quelques morceaux, c'est du Paso Doble, et puis juste après, on ira faire un tout tour du côté de la valse. Voilà, donc sans plus tarder, ben, on commence avec tout simplement, eh bien, le Paso Doble. C'est aussi ça. Voilà donc le passo, c'est du carnaval à Séville. We'll be right back. continue avec un autre passe-dole et puis en même temps, eh bien, coucou à deux personnes que je connais qui aiment le passe-dole, à Véronique et à maman, donc un petit coucou. We'll be right back. écouter de la Savoie et puis juste après, on écoutera de la valse. donc, si vous prenez l'écoute, voici donc compagnie avec Nicolas pour l'accordéon. Voici donc tout simplement du Fox et juste après du passe-noble. pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc un morceau de Sœur Cathy. Arc-en-ciel. C'est aussi ça. Voici donc qu'elle s'appelle tout simplement Karen Neuville, juste après, tout simplement, de la Polka. Je rêve d'un amour qui fait partager la vie, le bonheur. Oh. Aimer ses âmes, son amour à l'autre. C'est comme une lumière chaque jour qui fait, qui donne un sens à notre vie. Ça fait comme toi, toi, mon petit Tyrolien. Si tu veux mon cœur, hey, petit Tyrolien, hey, chante, chante, danse, danse jusqu'au petit matin. Tu vas voir mon père. Lui ma main, hey, s'il veut bien, on se marie demain. Hey, j'aime sa maison là-bas, près du ruisseau. J'entends chanter les tas d'oiseaux qui font résonner les clochettes du troupeau. C'est si beau. Je ne sais où m'emmène ce chemin. Crois-tu que c'est celui de mon destin? Ne me fais pas languir, tu le sais bien. Et surtout ne me cache rien. Si tu veux mon cœur, hey, petit Tyrolien, hey, chante, chante, danse, danse jusqu'au petit matin. Tu vas voir mon père, hey, demande-lui ma main. Hey, s'il veut bien, s'il veut bien. bien du folklore auvergnat. Puis juste après, du dancing. We'll be right back. Arc-en-ciel, un amour de FM. chante, c'est celui de l'amour. Laria, quand il reviendra, Laria, il vous sourira, Laria, puis il fondra dans ses bras. Donc, ben, juste après tout simplement le Fox, voici donc l'Aveyron, c'est le titre de la musique, tout simplement l'accordéon. Vagabonde passée, il est un coin où mon cœur me rappelle, beau comme une aquarelle jardin. Un coin de France où l'on aime, où l'on danse, y vivre c'est, je le pense, une chance. Au mon Aveyron, je me revois ma terre, ses grands espaces, ses cours d'eau, ses lumières. Et comme un fleuron ville flamboyante, le clocher de Rodez nous enchante. Chemin de Compostelle, l'histoire. Il me parlera des cités du passé, de ces pretempliers d'alors. Oh les Vésoux, mon pays des beaux lacs, voir la porte de l'Aubrac si doux. Je reverrai le trésor de Sainte-Foy, majesté de la foi dorée. Oh mon Aveyron, je me revois ma terre, grands espaces, ses cours d'eau, ses lumières. Et comme un fleuron dans sa ville flamboyante, le clocher de Rodez nous enchante. En piste pour danser la fiestrade. Arc-en-ciel. C'est aussi ça. Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 28

spécial, un amour de FM. tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc que je laisse avec du Fox et puis aussi on ira faire après du côté du Berry. Arc-en-Ciel, un amour de la femme. Voici donc la marche, et puis après on écoutera deux tout simplement différents. Eh bien, c'est du tango. Sans le crépuscule, qui proche de contrebandier, qui rentre derrière lui sa mule, chantant mon nom dans les sentiers. Shiva, piano, piano, piano, piano, Shiva, piano, piano, vassano, Shiva, sano, sano, sano, sano, va lontano, mon bel. Encore et pour toujours. sano, sano, sano, sano, va lontano con belle ginella. Entends ma villanella. La ginella paraît sans ton rayon, son cœur qui sonne et s'abandonne à tout jamais. Oh ma douce compagne, toi reine des montagnes, laisse-moi cher. Dans un grand bal musette, on s'est revu dansant dans une galette. On a conclu que la vie était chouette. De ce jour-là, on fait toujours la fête. On s'est revu dans les grands bal musette. On a prévu de faire toujours la fête. Toujours ensemble, on danse à la guinguette. Jour contre jour, c'est le tango qui nous arrête. Souviens-tu de ce tango qui nous a plu? Te souviens-tu? C'est ce jour-là qu'on s'est connu. Te souviens-tu de ce tango de l'imprévu? C'est ce jour-là que l'amour nous a convaincu. Les souvenirs de ton sourire et de ton rire et l'avenir qui nous remplit d'un grand désir. Te souviens-tu de ce tango de l'imprévu? C'est ce jour-là que dans tes bras je suis venu. We'll be right back. bien dû. Le second coup de l'imprévu, c'est ce jour-là que l'amour nous a combattu. Le souvenir ne fonctionne de ton rire, et l'ami qui nous remplit d'un grand désir. Te souviens-tu de ce temps de l'imprévu, c'est ce jour-là que dans tes bras je suis venu. Zalema, et puis juste après, deux titres d'accordéon Kama.

donc c'est sur ce morceau, sur ce passo qu'on va se quitter. Donc on va laisser quelques minutes avec d'autres morceaux de l'accordéon jusqu'à quelques minutes. Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On va se retrouver donc eh bien prochainement. Et donc je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. Et notre copain voudrait noyer son chagrin.